Pour tous vos problèmes en électricité, c'est les électriciens du Nord qu'il faut contacter. Une équipe d'expérience qui est en affaires depuis 40 ans et saura bien vous conseiller pour vos différents ennuis. Nous faisons la vente d'équipements neufs ou usagés au niveau résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel. Les électriciens du Nord, c'est au 1025 Première Rue à l'Ascension, au numéro de téléphone 88-347-5103. Le propriétaire des électriciens du Nord, M. Ghislain Tremblay, rappelle qu'acheter localement protège notre économie. C'est la chronique NBA avec Pascal Jobin, notre collaborateur. Salut Pascal! Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien. On ne s'est pas parlé depuis un mois. Pendant la saison, on a rendez-vous deux semaines. Puis là, on ne s'est pas parlé parce qu'évidemment, la semaine prochaine, les deux semaines, on s'est manqué. Mais toute une nouvelle de basketball. C'est sûr que les gens le connaissent pas beaucoup à l'heure actuelle, mais ils vont apprendre à le connaître. R.J. Barrett, qui a choisi Duke, c'était très, très bon choix. Moi, ça m'a surpris aussitôt, un. Et deuxièmement, pourquoi Duke? Duke, c'est pas surprenant parce que c'est vraiment une université au niveau académique extraordinaire. Parcours incroyable également au niveau basket avec Coach K. Est-ce que Coach K a eu son mot à dire dans le choix de Barrett? Ben, il fait son recrutement. Je veux dire, mais quelque part, quand Coach K t'appelle pour le recrutement, ça doit être plus facile. Tu as tout à fait raison. Je pense que dans le cas de RJ, on peut facilement dire que tous les universités aux États-Unis auraient aimé l'avoir. Mm. Mais soyons d'accord, je pense que sa liste avec Kentucky, Duke, Kansas, si je ne me trompe pas. OK. Tu sais, moi, je suis toujours pour c'est une bonne décision pour lui au niveau, je rentrerai pas du côté académique parce que il va être là juste un an. Ouais. Donc, je pense que c'est une bonne école d'apprentissage. On sait que Coach K, c'est lui l'entraîneur des équipes olympiques. Fait que tout ce qui est NBA, tout ce qui est développement NBA, il le connaît très, très bien. Mm. Je pense que c'est une université prestigieuse. Tu choisis aussi une université parce qu'une fois aux États-Unis, Danny, tu sais, commencer la seconde que tu fais partie d'une université, tous les anciens membres de l'université deviennent tes amis automatiquement. Ouais. Fait que souvent, tu choisis ça pour différentes raisons. Mmh. Mais je pense que... Et pourquoi la décision, te poser la question, la décision maintenant, c'est très simple. Tu veux être capable de te concentrer sur ta dernière année au secondaire. OK. Là, maintenant, il n'y a plus personne. La semaine prochaine, on va pas le laisser tranquille, mais on va plus l'écœurer parce qu'on sait déjà où il s'en va. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que là, il peut focusser sur finir son année académique, il peut focusser sur son basketball à Montverde, en Floride. Beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'achalandage au niveau des médias, tout ça, parce que c'est réglé. On sait où il s'en va, c'est réglé. Ouais. Fait qu'il va avoir un genre de pause de médias par rapport à ça, à l'encontre que s'il avait pris sa décision seulement, exemple, au mois de mars, tu comprends? Ouais. Fait que ça, c'est une bonne décision, puis le temps est excellent, justement, pour qu'on le laisse tranquille. Okay. À partir de ça. Okay. Fait que, et puis comme je te dis, je pense pas qu'il se serait trompé entre Kentucky, Kansas, puis Duke. Mais c'est sûr que Mike Krzyzewski, c'est... Quand Mike Krzyzewski t'appelle, il n'y a pas beaucoup de recrues de prospects qui vont lui dire non. Non, ça doit être certainement, ça doit aider. Puis Duke, c'est Duke, c'est une grande université, une voie académique a rien approché également. Ça jouait vraiment trois grandes universités là, qui se retrouvent souvent dans le Final Four du March Madness. Absolument. On va parler des Cavaliers de Cleveland qui sont en feu. C'est-à-dire qu'ils ont connu un très mauvais début de saison. Ça se replace par contre les Cavaliers, trois victoires de suite. Ce matin, dans mes nouvelles de basket, j'ai un site, étant donné que je parle pas beaucoup, je comprends l'anglais, je comprends pas beaucoup l'anglais, il y a un site français qu'on se pose la question si LeBron James est surutilisé. Pascal? Moi, je pense, il lui reste pas 10 ans à jouer. Ouais. Oui, il joue beaucoup de minutes, mais il est en excellente condition physique. Moi, je pense pas. Tu as remarqué, Danny, qu'il s'est reposé en début de saison avec sa petite blessure à la cheville. Okay. Je pense que les matchs... tu sais, ce qu'on voit pas, c'est les entraînements. C'est que les athlètes vont faire, mais tu payes quelqu'un 30 millions par année, c'est pas vrai que tu vas jouer 20 minutes. T'sais. Non, non. Fait que moi, je pense que pendant les années, que ce soit Jordan, Kobe, ces gars-là, ils veulent être sur le terrain, ils peuvent se permettre d'être sur le terrain, et non, je penserais pas. Puis tu sais, si je suis le propriétaire de Cleveland, sachant que c'est probablement sa dernière année, on est d'accord que tu veux mettre ton meilleur joueur le plus longtemps possible sur le terrain. Dans le cas de LeBron James, je pense pas qu'il y a une surutilisation. Je pense que si tu leur poses... Tu sais, il y a des choses qu'on voit pas, Danny, mais souvent, certains de ces joueurs-là, dans les pratiques, ils vont pas aller à 100%, ils vont pas pratiquer 2 heures de temps le lendemain matin d'un gros match. Je pense que... Puis c'est drôle que tu dis ça, Danny, parce que je pense que LeBron James, hier, après le match, après la victoire à Charlotte, il a mentionné que l'horaire aidait les Cavaliers, aidaient cette équipe-là. Faut pas oublier que les Cavaliers, Danny, sont la plus vieille équipe de la NBA avec une moyenne d'âge de 30 ans. Ben oui. Puis on a beaucoup blessé. Si on regarde un début de saison, là, et tu joues contre des jeunes, tu regardes le succès de plusieurs des équipes en ce moment, on dit souvent jeunes et athlétiques. Je pense que ça prend un peu plus de temps à une équipe plus vieille de se préparer. Je suis pas nécessairement surpris du début de saison. Du fait que LeBron a manqué les matchs pré-saison, on doit s'ajuster à des nouveaux joueurs. On s'est débarrassé d'un excellent joueur. On a échangé Kyrie Irving, qui fait un excellent travail à Boston. Écoute, tu peux pas remplacer Kyrie Irving, puis le joueur qui est supposé de le remplacer d'une certaine façon va pas revenir avant le mois de janvier. Mais je pense pas, pour répondre à ta question, moi je pense que non. Okay. C'est sûr que dépendamment de comment il va se sentir, je m'attends peut-être à voir LeBron moins jouer des fois ou pas jouer un match. Il est mieux pas jouer un match que jouer 25-30 minutes. Il va jouer son 44-45 minutes par match, selon moi. Et avec raison. Mais surtout que les blessures aussi, là, les Cavs, ils ont chose... Isaiah Thomas, chose l'autre également qui Justin est blessé. Oui, donc ils ont beaucoup de blessés. Donc ça va taxer... peut-être LeBron encore un peu plus là, parce qu'on a vraiment eu de la misère. On s'est remboursé 13e en début de saison. Fait que... Mais tu sais quoi, Danny? LeBron James, c'est pas le nombre de minutes par match. Faut pas t'oublier que LeBron James, lui, il joue jusqu'au mois de juin à chaque saison. Fait que si tu prends ça comme donné aussi, tu te dis en jouant. Si tu prends les 7 dernières années, là. Puis tu mets une vingtaine de matchs de série, mais c'est quasiment une saison et demie de plus que la plupart des athlètes normaux qui jouent. Ouais. Parce qu'ils ne se rendent pas jusqu'en finale. Ouais, c'est... Mais LeBron James, honnêtement, c'est un. Je veux pas être. Comment je pourrais dire ça? C'est un monsieur, je veux dire, physiquement, athlétiquement. Puis je pense que les équipes professionnelles ont des spécialistes. Payer un gros salaire pour être capable de dire à l'entraîneur jouer un petit peu moins. Fait que je serais pas surpris de le voir moins jouer, dépendamment de la situation, dépendamment de comment il va se sentir. OK. Parle-moi maintenant des Celtics de Boston. On connaît tout un début de saison. On savait que ça allait être une équipe dans le top 3, top 3 de l'Est, mais de là, est-ce que c'est vraiment surprenant? Non, c'est pas surprenant. Non. Écoute, je pense qu'ils ont commencé la saison avec 2 défaites. Tout le monde parlait de la blessure de Gordon Hayward. On sait que Gordon Hayward devait être la deuxième vedette à Boston derrière Kyrie Irving. On sait très bien qu'il n'a jamais joué pour Boston finalement parce qu'il s'est blessé dans la première match. Okay. Et justement, le fait de ne pas avoir joué, c'est pas comme s'ils se sont habitués à lui. C'est comme s'il ne faisait pas partie de l'équipe en ce moment. Fait que c'est une énorme perte, mais ils n'ont jamais vraiment joué sans lui. Puis là, on se retrouve avec 13 victoires de suite. Tu sais, statistiquement, Danny, Kyrie Irving avait des meilleures stats l'année passée avec les Cavs qu'avec Boston. Okay. Mais je pense que la plus grosse différence, c'est qu'il n'est pas le deuxième joueur de l'équipe, il est le premier joueur de l'équipe. Et là, il se permet de faire les passes que LeBron faisait l'année passée à lui pour qu'il shoot une 3 points. À Jason Tatum, à Brown. C'est une très, très, très bonne équipe. Jeune, athlétique. Et honnêtement, ils ont le meilleur entraîneur de la NBA. je dirais en ce moment, plus que Popovich, plus que Mike D'Antoni. Pourquoi? Parce que les joueurs, tu vois qu'ils aiment le système, ils aiment jouer pour Brad Stevens. Et je pense que Danny Ainge, il a été critiqué d'avoir échangé Isaiah Thomas, mais l'opportunité d'aller chercher Kyrie Irving, qui est flamboyant, spectaculaire, probablement le joueur avec le meilleur dribble dans l'histoire de la NBA, selon moi. Okay. Écoute, Boston, voilà, il ne faut pas oublier, hein, le X-Factor dans cette équipe-là, c'est Al Horford. Al Horford joue très bien, réussit des trois points, est capable d'aller scorer à l'intérieur. Donc, c'est toute une équipe défensivement aussi. Fait que je suis pas surpris. Je suis plus surpris de voir Cleveland en 9e place aujourd'hui. Mais je pense qu'ils vont remonter, mais de voir Boston première place, je ne suis pas surpris. OK, OK. Il faut dire aussi, dans l'échange, il a été critiqué, mais Isaiah Thomas était joueur autonome à la fin de l'année. Et c'est ça qui a fait en sorte que les Celtics l'ont échangé. Oui, absolument. Oui, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Là. Je veux te parler des Raptors. Mes Raptors, comment ça va? Comment t'es trop depuis le début de l'année? Correct, 7-5? Correct. On est où ce qu'on devrait être. Ouais. J'aime beaucoup le développement de Siakam au niveau de tir de trois points. L'acquisition du gaucher CJ Miles, qui est capable de réussir des trois points assez spectaculaire. Donc, je pense qu'on va attendre encore un mois pour se parler des Raptors. Moi, je les voyais dans les top 4 de l'Est, et c'est là qu'on se place. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables de passer à l'étape? Parce que Danny, on est d'accord que Toronto, c'est la finale NBA. Là. On veut se rendre en finale NBA. Là. Ouais. On veut se rendre en finale de l'Est et aller en finale NBA. Je pense que la fenêtre, elle est là. Mais Dwayne Casey fait un excellent travail. J'aime beaucoup le jeu de Valanciunas aussi, là, beaucoup plus actif. Tu sais, la position de centre dans la NBA a quand même évolué beaucoup dans les dernières années rapidement. Si tu as un centre qui n'est pas capable de réussir un tir de trois points, il faut faire d'autres choses. Mais j'aime beaucoup ce que Valanciunas y fait. DeMar DeRozan, encore une fois, pour moi, c'est le meilleur joueur des Raptors. Et je pense que la clé des Raptors est toujours et va toujours rester dans la main du meneur, Kyle Lowry. Il est pas. Il y a des bons matchs, il y a des mauvais matchs. Il faut qu'il soit un petit peu plus constant dans ses performances de match. OK, mais là-dessus, tu me. Hey, question flash de même. Là. Tu sais, les Raptors, c'est peut-être la dernière année de la fenêtre, là, ou la dernière année, ou peut-être la deux. Puis là, sachant que tu as un R.J. Barrett qui s'en vient, est-ce que les Raptors pourraient travailler pour l'avoir, ou c'est pratiquement impossible? On oublie ça, puis parce que, écoute, R.J. Barrett pour les Danny Fung des Raptors, ce serait du bonbon, hein? Ouais, mais je passerais pas d'avis. Non, OK. C'est quasiment impossible. Ils sont loin, là. On pense pas d'avoir le premier choix repêchage. Non, mais c'est sûr, mais ça pourrait se travailler. Mais R.J. Barrett, probablement qu'il est tellement bon que les équipes voudront pas l'échanger, puis ils vont le prendre. Mais c'est une question de main que je posais. Parlant de bons joueurs, Lonzo Ball, jusqu'à maintenant, oui. Comment c'est? Je sais qu'il a réussi un bon match l'autre fois, un exploit pour une recrue. Il va selon sa progression qu'on avait anticipée? Bien, je pense que c'est un très bon joueur. Je pense qu'il va être un très bon joueur NBA. C'est pas la nouvelle venue de Magic Johnson. C'est pas la nouvelle venue de Jason Kidd. Okay. J'aime le fait qu'il pousse le ballon à Los Angeles, c'est important. Moi, je pense que l'affaire la plus importante, c'est un jeune joueur de Los Angeles. Si les Lakers ne l'auraient pas repêché, puis ce serait, mettons, exemple, il se retrouve à Boston, puis il fait un excellent travail. Là, les Lakers se seraient peut-être mordus les doigts. Je pense que son tir extérieur va s'améliorer. Pas qu'il va changer sa forme, il va s'améliorer. C'est peut-être pas le meilleur joueur qui a été repêché à la position numéro 2, honnêtement. Là. Il y a d'autres recrues qui font un meilleur travail que lui, selon moi. Mais ils n'ont pas la pression que Lonzo Ball a créée par son père. Ben ouais. Avec toutes les conneries que son père a dit, il y a beaucoup de pression sur lui. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai remarqué dans les dernières semaines, Danny, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment beaucoup Lonzo Ball, mais ils haïssent son père. Ben. Fait que c'est lui qui paye le prix, mais ils disent quasiment comme on se sent mal parce qu'on aime bien le jeune. Il va être excellent. Moi, je dirais que c'est un joueur potentiellement qui pourrait être un joueur étoile, Mais comme je t'ai dit, ce n'est pas la nouvelle venue de Magic Johnson. Moi, je pense qu'il va se développer, il va bien se développer. C'est sûr que dans la NBA de nos jours, ton meneur, s'il n'est pas capable de réussir un tir de 3 points, ça fait mal un peu. Mais il a 6 pieds et 6, c'est un bon athlète, pousse bien la balle. La seule chose, Danny, que je te dirais que moi, j'aime pas de lui en ce moment, c'est peut-être ses expressions qui ont l'air comme « je m'en foutisse un peu sur le terrain ». Moi, j'aimerais ça avoir un petit peu plus de pep dans sa game, un petit peu plus d'énergie, d'effort. Mais à part ça, il est excellent. Là. Il a quand même réussi un triple-doublé à son troisième match, si je ne me trompe pas. Quelque chose qui date des années de Magic Johnson. Fait qu'il est quand même capable de faire des choses sur le terrain exceptionnelles. Est-ce qu'il méritait d'être le numéro 2? Probablement que oui. Fait que quand tu es repêché numéro 2, Danny, tu devrais être une vedette dans la NBA. Oui. C'est pas tout des Anthony Bennett. Non. Mais tu sais ce que ça me fait penser cette histoire-là? Ça me fait penser à Bonnie Lindros. Pas si tu t'en rappelles du cas d'Eric Lindros. Tu sais que t'es pas un grand amateur de hockey, là, mais on a tellement entendu parler là, de la saga Lindros, les Nordiques, l'âme, la mer est en arrière. Ça me fait penser un peu, mais je pense que le père Alonso est encore beaucoup plus flamboyant. Parce qu'Eric, après qu'il ait été échangé, on n'a pas entendu parler de sa mère. Là. Non, t'as raison par rapport à ça. Ouais. Le père, il est toujours là. Deux frères, l'histoire du frère D'Angelo. Ça a été réglé, là, tu sais, mais... en tout cas, comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose d'assez... Intense. Assez intense, puis c'est histoire... Écoute, il y a show de télé-réalité avec les bars. Mais je dirais une chose, c'est un père qui a attendu le bon moment. Il a maximisé. Quand tu es capable d'acheter une Lamborghini à ton plus jeune à 16 ans, tu as bien fait tes affaires. Mais quelque part, je respecte beaucoup Loverball pour travailler pour ses garçons, être positif pour ses garçons. Mais il y a des choses qu'il fait des fois qu'il a désiré. Mais là, lui, tout ce qu'il va faire maintenant, c'est les médias sont après lui. Fait qu'il faut qu'il fasse attention. Mais Pascal, il va-tu arriver un jour que Lonzo va dire « Papa, tosse-toi, là. OK, on t'a assez vu, là. » Ça peut-tu arriver? Je ne penserais pas. Il n'y a pas le caractère pour ça? Non, mais lui, Parce que soyons honnêtes, le père, oui, a rendu là. Le père a rendu le jeune là, ce qui est là. Mais si le jeune n'a pas le talent, le père n'est pas là. Moi, je pense que c'est plus... Tu sais... C'est plus l'agent de Lonzo qui va parler ou les Lakers qui vont parler à son père. Okay. Mais tu sais quoi? Si tu regardes depuis le début de la saison... Le voir, il est assez tranquille par rapport à Lonzo Ball. OK, ouais. Il est assez tranquille. Non, mais depuis que les matchs ont commencé, les médias, ils courent après lui, mais je pense qu'il s'est un petit peu... il a pris un recul, un peu comme quand son gars joue à UCLA. Il laisse faire. Il se mêle pas de la situation. Fait que je pense que là, il s'occupe de ses deux autres garçons. Là, il y en a un, il faut qu'il s'en occupe absolument parce qu'il a failli passer 10 ans de prison en Chine. Ouais. Mais part ça... Pascal, on se reparle dans 15 jours. Ça fait plaisir, Danny. Il te reste 8 mois pour remplir ta promesse. Pas de problème. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est Pascal m'a promis d'ici un an une entrevue avec R.G. Barrett. Là, ça ne vaut pas grand-chose parce que personne pratiquement au Québec ne sait pas ça, mais dans 3 ans, quand il va être une très grande vedette NBA, je vais pouvoir me vanter que j'ai eu R.G. Barrett en entrevue. Hein, Pascal? Ok, Danny. Hein? Je travaille fort sur ça. Ok, c'est beau.